Togo, Douiman. Bonjour et merci de nous rejoindre sur l'Isanganiro. C'est le journal La Grande Édition dans cette mi-journée du 8 septembre 2021. Voici tout de suite les grandes articulations. Le Burundi, à travers le ministère des Relations Extérieures, voudrait bien rétablir ses bonnes relations avec le Rwanda, mais pose la condition d'extradition des personnes impliquées dans le coup d'État manqué de 2015 au Burundi. Une campagne consacrée à la sensibilisation des jeunes à fréquenter régulièrement l'école a été lancée hier à Ruyigi et profitera à plus d'un million d'écoliers issus des familles à faible revenu qui vont bénéficier du matériel scolaire et couvrira 6 provinces du Burundi. Notre correspondant sera en ligne depuis Ruyigi. Et dans la chronique santé, nous parlerons de l'immunité du corps, ce système de défense de l'organisme contre les infections. Ce sera avec Dr Marc Manirakiza. Et en actualité internationale au Soudan, des inondations meurtrières ont déjà fait une centaine de morts et 500 000 déplacés depuis fin juillet cette année. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le Burundi souhaite que les relations diplomatiques qu'il entretient avec le Rwanda soient rétablies. Toutefois, le ministère burundais en charge des relations extérieures exige au préalable que les présumés auteurs du putsch manqué de 2015 soient extradés et que le rapatriement des Burundais au Rwanda soit facilité. Sonia Niyubahwe, c'est la porte-parole de ce ministère. Elle rassure que le Burundi reste disposé à dialoguer avec notre voisin du Nord afin que les relations diplomatiques burundo-rwandaises soient renormalisées. Sonia Niyubahwe, au micro de Linibel Nibigira. Le Burundi voudrait que les relations diplomatiques entre le pays et le Rwanda soient renormalisées, soient aussi renforcées. Mais ce que nous demandons au Rwanda, c'est de pouvoir livrer à la justice les auteurs du putsch de 2015 qui ont fui dans leur pays. Deuxièmement, nous demandons au Rwanda de pouvoir faciliter la rentrée des réfugiés burundais qui sont dans leur pays, afin qu'ils puissent rentrer facilement au Burundi. Mais ces réfugiés ont commencé à être rapatriés. Effectivement, nous demandons que ces réfugiés puissent avoir des facilités afin de pouvoir rentrer. Si jamais ces présumés auteurs du putsch manqué de 2015 ne sont pas extradés, les relations seront toujours tendues. Il y aurait toujours à demander. Afin de pouvoir renforcer le bon voisinage, c'est mieux de pouvoir répondre aux soucis du voisin. Même pour les familles, non pas seulement pour les pays, mais aussi pour les familles, pour la société, la paix dont vous avez besoin, aussi j'en ai besoin. Donc il faut que nous puissions voir comment nous pouvons renforcer la paix, la solidarité, la paix entre les peuples et les pays. Si ces deux conditions ne sont pas remplis, qu'est-ce que le ministère des Relations extérieures va faire? Nous continuerons à demander, à soumettre la demande du gouvernement du Burundi aux pays voisins. Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministère burundais des Relations extérieures, s'exprime après que le président rwandais ait regretté que sa main tendue sur le rétablissement des relations entre le Burundi et le Rwanda n'a pas été reçue. Le ministère de l'Intérieur, à travers la voix de son porte-parole, demande aux réfugiés burundais de se trouvant au centre de transit de Kavimvira, République démocratique du Congo, de patienter en attendant que leur situation soit examinée. Pierre Ngurikiye indique que même ceux qui se trouvent au centre de réfugiés de Rusenda, toujours en RDC, vont être rapatriés bientôt. On l'écoute. Le message du ministère, c'est qu'elle a fait favorablement le cri d'alarme de ces réfugiés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi la procédure normale. Et donc, le ministère, avec ses partenaires, examine la situation de ces réfugiés burundais. Et d'ici peu, la solution va être trouvée. Nous leur demandons de rester au niveau du centre de transit de Kavimvira et attendre le message du HCR, le bureau congolais qui travaille là-bas au Congo. Le message qu'ils auront aujourd'hui, après-midi ou demain, pour pouvoir organiser leur rapatriement. Et ils sont au nombre de 300 réfugiés burundais, même pour les autres réfugiés qui se trouvent notamment au camp des réfugiés de Rusenda au Congo ou dans les autres pays. Le gouvernement est déjà disposé à les accueillir. Ce n'est qu'une question de temps et d'organisation technique. Pierre Ngurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Je vous l'avais dit dans les titres, plus d'un million d'écoliers issus des familles à faible revenu dans 6 provinces du Burundi vont bénéficier du matériel scolaire à travers une campagne consacrée à la sensibilisation des jeunes à fréquenter régulièrement l'école. Le représentant de l'UNICEF au Burundi, John Apu, dit que cette campagne, ouverte ce lundi dans la province de Ruyigi par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, vise à soutenir les familles qui, en dépit de la gratuité de l'éducation, continue à supporter des coûts non négligeables en matière d'éducation de leurs enfants. Jean-Claude Nshimirimana pour plus de détails. Des cahiers, des stylos et d'autres articles indispensables à tout élève constituent le kit scolaire octroyé aux écoliers dont l'effectif dépasse légèrement un million dans la campagne de sensibilisation des jeunes à aller et rester à l'école. Gaspard Wanyangimbona, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique qui a ouvert cette campagne ce lundi au lycée d'excellence Saint-Joseph de Rusengo dans la province Ruyigi qui donne ces chiffres, fait savoir que les enfants qui bénéficient de ce matériel scolaire sont ceux dont les parents sont de faibles revenus dans les provinces Changhuzo, Kirundo, Muyinga, Makamba, Rumonge et Ruyigi, les provinces où les effectifs d'enfants dont les parents sont de faibles revenus ont augmenté, a-t-il précisé. À cet effet, le ministre Gaspard Banyangimbona recommande aux parents de conseiller les enfants ayant abandonné l'école pour diverses raisons à regagner l'école et éviter qu'il n'y ait pas d'autres abandons suite à la négligence des parents. Pour John Apport, représentant de l'UNICEF au Burundi, cette campagne de fourniture de kits scolaires vise à soutenir les familles qui, en dépit de la gratuité de l'éducation, continuent à supporter des coûts non négligeables indirects que le rapport d'État a estimé en 2017 à 38% des dépenses totales de l'éducation. Jean-Claude Nshimirimana, depuis le lycée d'excellence de Rusengo dans la province Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Éducation toujours. Certaines écoles de la ville de Kayanza ont des latrines modernes construites par le projet Lake Victoria Supply and Sanitation, mais qui ne fonctionnent pas depuis plus de 2 ans à cause du manque d'eau. Au niveau de la régie des eaux, on explique avoir manqué de moyens nécessaires pour approvisionner ces latrines en eau, mais le même organe promet de résoudre ce problème pour bientôt. Patrick Saint-Guillaume. Les écoles de la ville de Kayanza, où les latrines modernes y construites par le projet élevé à 102 sont en dysfonctionnement, sont principalement les Kofo Kirema, Munghazi, Kayanza 1 et 2, Access School et le lycée Kayanza. Et puis Marc Girukushaka, conseiller technique de l'administrateur de la commune Kayanza en charge du développement, indique que l'exécution du projet ayant commencé en 2014 a pris fin en 2017. Il indique également que les travaux restants du projet ont été remis à la régie des eaux, notamment l'approvisionnement de ces écoles à eau, afin de faciliter l'usage de ces latrines. Au niveau de la régie des eaux, on fait savoir que ces activités n'avaient pas été possibles suite à un faible débit d'eau dont souffrait cette ville à ce moment-là. Au sein du même organe, on dit que vers la fin de l'an 2018, on a tenté de le faire, mais que beaucoup de matériel servant au fonctionnement de ces latrines et coûtant beaucoup d'argent avait déjà été volé. De ce qui précède, le directeur général de la régie des eaux tranquillise, promettant que dans les jours à venir, selon les disponibilités des moyens, on procédera aux travaux de finissage de ces latrines et qu'elles seront en fait utilisables. Les directeurs des écoles, eux, de leur côté, demandent à l'administration communale de Kayanza qu'en attendant, l'on puisse leur venir en aide, surtout en dotant les écoles de latrines à usage simple, étant donné que certaines d'entre elles en usage aujourd'hui sont insuffisantes et d'autres en état critique. Au niveau de l'administration, on promet qu'en collaboration avec les comités de gestion des écoles, l'on verra ensemble ce qu'il faut faire pour l'intérêt de la santé des élèves. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et la Banque centrale doit assurer la régulation entre les banques et leurs clients pour assainir le climat des affaires économiques. C'est du moins l'analyse de l'expert en économie Prosper Nioboke qui réagit aux plaintes des demandeurs de crédit comme quoi les taux pratiqués par les banques sont très exorbitants. Suivez-le au téléphone avec Aimé Richard Niyonguru. Oui, effectivement, la lecture, donc, ça veut dire que c'est demandé de crédit, donc, il faudrait qu'ils sachent que ce n'est pas la seule responsabilité à ces banques auxiliaires, donc à ces banques commerciales. Sinon, les taux qui sont appliqués dépendent de plusieurs facteurs. Il y a l'objet social, soit le projet qui est soumis à, donc, pour pouvoir jouer de crédit. Il y a autant les taux qui sont généralement appliqués au niveau des banques. Je dirais qu'il y a des intervalles qui sont connus, qui sont bien fixés en rapport avec les indications principales de la Banque centrale, donc en rapport avec le taux directeur de la Banque centrale. Alors directement, je me dis que ces banques, oui, ça varie, mais les marges de variation, je pense qu'elles ne sont pas assez normes. C'est pourquoi je dis que les décisions qui sont prises par rapport à ces taux par ces banques commerciales, la plupart sont guidées en principe par les taux de la Banque centrale. Alors, pour pouvoir arriver à fixer un taux, quoi qu'on dirait que ce marché donc est libre, je sais que quelque part, il y a une sorte d'administration de la part de la Banque centrale, question d'encadrer le secteur ou les services bancaires. Y aurait-il moyen à ce que ce taux soit revu à la baisse? Oui, la décision décision, parce que c'est une décision qui ne concerne que la seule banque, mais ça devrait, à mon niveau, concerner tout le secteur bancaire. Autrement dit, ça devrait être la décision de l'autorité suprême, donc, qui régule les activités bancaires. Donc, en l'occurrence, c'est la Banque centrale. Il y a aussi la durée ou le temps qui s'impose entre la demande et l'octroi de ces crédits. Et là, qu'il faudrait-il faire pour justement balancer? Oui, il y a tout un tas d'éléments qui doivent être réunis. Il y a toute une procédure donc, qui doit être suivie avant d'octroyer le crédit. Donc, il y a plusieurs étapes. Alors, à chaque étape, il faudrait d'abord que la banque, au niveau de ses services, de les types de projets, il faudrait qu'on soit sûr que le projet soit un projet bancable. Alors, du coup, c'est à ce niveau où il faudrait que ces acteurs qui sont, pour la plupart, qui attendent pour l'instant, avant que les projets ne soient bien analysés ou bien qu'ils reçoivent des requêtes favorables par rapport à leurs dossiers, il faudrait qu'ils sachent que les banques doivent minutieusement étudier leurs dossiers respectifs. Qu'est-ce qu'ils font? C'est surtout au niveau de la sélectivité des projets qui doivent jouir de crédit. Lorsqu'il n'y a pas de stabilité, lorsqu'on n'est pas sûr de ce que font les gens, ça nécessite plus de temps pour essayer de minimiser les risques. C'est ce que je donnerais comme raison à ces banques. Prosper Nyoboke, expert économiste. Quelques nouvelles brèves nationales et internationales avant la chronique santé qui nous parlera de l'immunité du corps. Deux pêcheurs burundais, l'un prestant à la plage de Rumonge et l'autre à la plage de Kagongo, en commune et province Rumonge, ont disparu dans les eaux du lac Tanganyika la nuit dernière. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, de qui nous devons cette information ? Indique que ces pêcheurs dont les corps n'avaient pas encore été retrouvés ce mardi matin se sont noyés lors des vents violents. Toutes ces victimes ne portaient pas de gilet de sauvetage, selon ce représentant des pêcheurs qui appelle tout pêcheur à toujours se prémunir de ces gilets pendant la pêche. Toujours dans cette partie du Burundi, un navire de transport qui venait de la Tanzanie vers Rumonge s'est écrasé dans le lac Tanganyika côté rivière Murembwe. Le soir de ce lundi, les 8 personnes à bord de ce navire avec une cargaison de riz ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de la marine burundaise et des pêcheurs de Rumonge, selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Et l'interdiction faite d'extraire des matériaux de construction des rivières traversant la capitale Bujumbura est respectée, comme a pu le constater notre reporter, notamment sur les rivières Ntahangwa et Mutimbuzi. Mais ceux qui faisaient ce travail affirment que c'était leur gagne-pain et bénéfique aussi pour l'environnement, surtout quand on sait que la rivière Mutimbuzi déborde souvent. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos éditions ultérieures. Place maintenant à l'actualité internationale avant la chronique santé. Actualité internationale. Au Soudan, des inondations meurtrières ont fait plus de 500 000 déplacés. Les habitants sont pris au piège depuis fin juillet entre les crues du Nil à l'est et les fortes pluies à l'ouest. Les autorités locales ont imposé un état d'urgence de 3 mois et mobilisé l'armée alors que la montée des eaux a déjà tué une centaine de personnes, détruit plus de 100 000 maisons et fait plus d'un demi-million de déplacés. Et à Niamey, au Niger, les États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, étaient à nouveau au chevet du Mali ce 7 septembre. La CEDEAO maintient les sanctions économiques contre Bamako et contre le Comité national pour le salut du peuple, les militaires qui ont pris le pouvoir après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. La conférence présidée par le chef de l'État nigérien, Mohamedou Issoufou, s'est terminée en fin de journée hier. La CEDEAO a demandé à la junte un président civil au Mali d'ici le 15 septembre. Et en RDC, le gouverneur de la province du Sankuru a été convoqué par la justice militaire. Joseph Stéphane Mukumadi devra se présenter lundi prochain à l'auditorat supérieur militaire d'Ombudjima. Le gouverneur et un colonel des forces armées sont accusés par l'ONG Journaliste en danger d'avoir torturé des journalistes et d'avoir incité des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les faits remontent à une quinzaine de jours. Des militaires et des policiers ont effectué une descente punitive à la station provinciale de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, et à la radio privée Lonsanganya de l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende, son rival provincial. André Lité Asebeya, ministre des Droits humains, entend accompagner cette démarche jusqu'au bout. 13h10 à Bujumbura, et c'est la chronique santé maintenant. Radio Isanganiro, chronique santé. Aujourd'hui, l'on parle du système immunitaire, qui est par définition l'ensemble des cellules dont le rôle est de défendre l'organisme contre les infections. Dr Marc Manirakiza, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, précise que l'immunité est normalement innée, mais aussi acquise par exemple à travers les vaccins. Il fait savoir aussi qu'il y a un groupe de gens à faible immunité, soit génétique ou liée à des maladies chroniques comme le foie. Ornella Mucho pour les détails. L'immunité est la capacité de l'organisme à se défendre contre des agents infectieux. Dr Martin Manirakiza, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, fait savoir que le système immunitaire est composé en deux grandes parties. Le système immunitaire, c'est un système de défense de l'organisme qui est composé en grande partie par des cellules qu'on appelle des globules blancs. Ces globules blancs, c'est comme des militaires qui vont attraper l'agresseur de l'organisme et le tuer. Mais il y a un autre système aussi qu'on appelle humoral, c'est-à-dire que ça passe par le sang. Le plus souvent, ce sont des anticorps et d'autres systèmes qui vont donner l'ordre à ces globules blancs, à cette immunité cellulaire qui a une agression qui arrive et d'aller attaquer cet agresseur. Il précise qu'il y a des signes montrant qu'il y a un déficit immunitaire comme des infections répétitives. Quelqu'un qui a une faiblesse de l'immunité, ça se voit, c'est quelqu'un qui tombe souvent malade, c'est-à-dire un microbe X, il lui attaque, il va tomber malade tout de suite par rapport à quelqu'un qui a une immunité solide. En dehors de ça, certaines, on peut les faire comme les globules blancs, on peut doser les globules blancs ici chez nous. La normale, c'est de 4000 à 10 000 par millimètre cube de sang. Ce qui est des anticorps, ici, on ne peut pas les doser, et d'autres marqueurs de l'immunité. Ici chez nous, je dis bien, mais ailleurs, comme en Europe, on peut les doser. Selon toujours lui, un déficit immunitaire peut être primaire, donc génétique, ou secondaire, lié à de nombreuses pathologies. Normalement, tout le monde est né avec une immunité. Seulement, il y a des variations quand on est tout petit. On a une immunité qui n'est pas encore forte. Et quand on a atteint l'âge avancé, 70 ans, 80, 90, 100, c'est-à-dire que notre immunité commence à vieillir. Ça, c'est physiologique. Dehors de ces deux situations, on peut avoir une faiblesse de l'immunité qui peut être liée à plusieurs choses, des maladies, si je donne l'exemple du VIH, diabète, l'insuffisance hépatique. Pour le foie, la plupart des anticorps, ce sont des protéines et les protéines sont synthétisées au niveau du foie. Et quand le foie ne fonctionne pas, on a très peu d'anticorps. Et pour l'insuffisance rénale, il y a une fuite des protéines dans les urines. Et du coup, on a très peu de protéines dans le sang. Et qui dit protéines, je l'ai dit, dit anticorps. Et il y a aussi des déficits immunitaires qui sont, je dirais, congénitales. Pourquoi un déficit immunitaire congénital? Docteur Martin Manirakiza donne des éclaircissements. Le déficit immunitaire congénital, ça peut être une anomalie génétique qui vient comme ça spontanément. Ou ça peut être l'effet de certains médicaments, l'effet des irradiations, etc. Si je donne l'exemple, chez les femmes enceintes, on sait qu'au premier trimestre, comme c'est la période où les organes se forment, il y a certains médicaments qui sont connus de donner des anomalies. D'autres, si je prends l'exemple, les rayons X de radiologie, ça peut entraîner une baisse de l'immunité. Dans la prochaine chronique santé, ce spécialiste donnera des conseils pour augmenter la capacité du système immunitaire et le traitement adapté chez des personnes ayant un déficit immunitaire. Merci Ornella Mucho, merci docteur Martin Manirakiza et non Marc Manirakiza. Comme je le disais, tantôt ainsi se referme ce journal. Avant de nous séparer, j'en rappelle les grandes articulations. Le Burundi, à travers le ministère des Relations extérieures, voudrait bien rétablir ses bonnes relations avec le Rwanda, mais pose la condition d'extradition des personnes impliquées dans le coup d'État manqué de 2015. Vous l'avez suivi. Et une campagne consacrée à la sensibilisation des jeunes à fréquenter régulièrement l'école a été lancée hier et profitera à plus d'un million d'écoliers issus des familles à faible revenu qui vont bénéficier du matériel scolaire et couvrira 6 provinces du Burundi. Et en actualité internationale, au Soudan, des inondations meurtrières ont déjà fait une centaine de morts et 500 000 déplacés depuis fin juillet cette année. Et dans la chronique santé, vous l'avez suivi, nous avons parlé de l'immunité du corps, ce système de défense de l'organisme contre les infections, avec Dr Martin Manirakiza, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Elika Dogo pour la mise en onde au micro Jean Bosco Ndouimana. Passez une très bonne journée et surtout, ne tournez pas le bouton. Les programmes continuent sur Isanganiro.